les jeunes de moins de 25 ans ne forment que 13% de la population, mais ils constituent la tranche d'âge la plus impliquée dans les accidents de la route, puisque les 15-24 ans représentent 25% des accidents mortels. Quatre facteurs expliquent principalement ce constat: l'inexpérience, le goût du risque, la vitesse et l'alcool. Réponse A et D.